Bonjour, voici le 60e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous est une présentation des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Allô! Maintenant, je vais enregistrer le 60e épisode. Cette semaine, nous allons parler de Ranma 1/2, ou plus précisément, des adaptations animées de Ranma 1/2. Comme précédemment pour Urusei Yatsura, j'ai de la difficulté avec le manga et je préfère l'animé. Mais j'ai bien plus lu le manga, notamment tous les volumes après la fin de la série de télévision. Comme on l'a vu précédemment, la série télé Urusei Yatsura s'est terminée quand l'équipe de transition vers l'adaptation d'un autre manga de la même auteur, Rumiko Takahashi, soit Maison Ikkoku, un manga qu'elle a fait simultanément à Urusei Yatsura dans une autre revue. Contrairement à Maison Ikkoku, la série Ranma 1/2 est très similaire à Urusei Yatsura, ce qui est normal puisque c'en est l'héritière directe, Ranma 1/2 succédant à Urusei Yatsura dans Shonen Sunday. La série débute comme une comédie plutôt sentimentale, avec un certain développement narratif, assez léger tout de même, mais évolue pour devenir une pure comédie à la Urusei Yatsura, toujours aussi fantaisiste, en remplaçant le côté science-fiction par les arts martiaux. Les pères de Ranma et Akane ont décidé de les fiancer pour assurer l'avenir de leur école d'arts martiaux. Les deux s'entendent visiblement très mal, mais sans se l'avouer, vont se mettre tranquillement à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. À cela s'ajoute une toile de personnages secondaires, tous plus cinglés les uns que les autres, dont bon nombre éprouvant des sentiments pour Ranma ou Akane, ou entre eux, bien pire que le plus récent School Rumble. Et surtout, une malédiction qui transforme plusieurs personnages de la série à chaque fois qu'ils se font mouiller, comme Ranma, qui devient une fille, ou son père, qui devient un panda, suite à leur voyage dans les sources maudites de Josenkyo. Le succès de la série animée Maison Ikkoku aura des impacts négatifs sur Ranma 1/2, qui est lancé alors que le manga est plutôt récent et n'a pas encore trouvé son public, et le dessin animé est diffusé initialement en heure de grande écoute, donc doté d'un budget plutôt conséquent pour la télévision, qui plus est arrivant en plein milieu de la saison télévisuelle avec assez peu de publicité. La première saison, bien qu'excellente, est un échec commercial. On interrompt donc quelques temps, histoire de virer du personnel, changer un peu le style, couper le budget et diffuser à des heures moins concurrentielles. La première saison, plutôt sentimentale et dotée d'une véritable intrigue, est vraiment bien, la plus appréciée des fans. Mais la haine de certains envers la suite me semble un peu abusive. Les changements n'ont, il me semble, provoqué qu'une évolution un peu plus brusque de ce que le manga a fait Après avoir finalement trouvé son public, des filles un peu plus jeunes que les garçons visés initialement. La série est devenue moins suivie, plus anecdotique, avec de petites historiettes à la Urusei Yatsura, un petit côté mignon en plus. Et des arts martiaux invraisemblables, ne l'oublions pas. Et le budget va tranquillement revenir avec le succès au fur et à mesure des saisons ultérieures. Il est vrai que l'adaptation va ajouter de nombreuses intrigues originales, mais je ne crois pas qu'elle soit nécessairement plus mauvaise que les historiettes créées par l'auteur elle-même. Comme dans l'épisode précédent d'Urusei Yatsura, nous allons présenter les épisodes qui nous semblent incontournables, soit parce qu'ils introduisent des personnages ou éléments utilisés dans la suite de la série, soit parce que ce sont mes épisodes favoris. J'aurais bien sûr assisté la majorité des épisodes des deux premières saisons, quand la saison était relativement à suivre avec des histoires en quelques épisodes se suivant plus ou moins, avec une certaine évolution de leur relation entre les personnages. Je citerai certainement moins d'épisodes par la suite, mais cela ne signifie pas que la suite de la série soit mauvaise. Il y a tout simplement moins d'épisodes introduisant de nouveaux éléments, avec presque exclusivement des intrigues en un épisode, sans réel suivi. Le premier épisode, Un bien étrange garçon, introduit le sujet de la série avec les personnages principaux. Ranma, Genma son père, Suntendo, l'ami d'enfance de Genma et ses trois filles, Akane, Kazumi, la grande sœur qui agit comme une mère, et Nabiki, qui trouve toujours le moyen de se faire de l'argent. Les épisodes 2 à 4, premier pour l'école, coup de foudre ou coup de guerre, Ranma et Ranma, que de quiproquo envoient les personnages dans la vie régulière à l'école et introduisent le docteur Tofu, qu'Akane semble aimer, et surtout Kuno, un combattant à l'épée qui a poussé tous les étudiants voulant sortir avec Akane à l'attaquer pour lui déclarer ses sentiments. Plus il est plutôt stupide, riche héritier, et va tomber aussi amoureux de la version fille de Ranma, entraînant l'éternel gag du fait qu'il ne peut choisir entre Akane et Ranma version fille. C'est un personnage clairement dérivé de Mendo dans Urusei Yatsura, mais suffisamment différent pour le rendre intéressant. Il est tellement drôle. Oui, Ranma et Ranma, que de quiproquo, c'est une traduction du titre japonais et non le titre français. Mais je n'ai pas l'intention de m'attarder sur les noms différents des personnages dans le doublage français qui n'a jamais été distribué en Amérique et qui semble assez incohérent d'un épisode à l'autre ou dans la traduction du manga et dans la version originale sous-titrée en français. Les épisodes 5 et 6, Aimer jusqu'à la moelle, La fracture amoureuse d'Akane, Chagrin d'amour, approfondissent les sentiments d'Akane et la situation avec le docteur Tofu, qui est amoureux de Kazumi, mais ne peut lui avouer ses sentiments à cause du running gag qu'il devient totalement nerveux et inattentif, qu'il fait n'importe quoi dès qu'il voit Kazumi. Les épisodes 7 à 10, Le voilà, l'éternel perdu, L'école est un champ de bataille, Ranma versus Ryoga, Livre blanc, De jeunes filles, les cheveux sont la vie d'une femme. Pipipi-chan. Il est pas bien terrible. Introduisent probablement mon personnage favori de toute la série, un autre jeune pratiquant d'arts martiaux qui en veut à Ranma et l'attaque quand il le trouve, mais se retrouve toujours perdu n'importe où à cause de son absurde manque de sens de l'orientation. Ce dernier va à son tour tomber dans les sources de Jusenkyo, ce qui aura son effet. Les épisodes 11 à 13, Le coup de foudre, La rose noire aime bien piquer, La revanche, vont voir pour la première fois, et certainement pas la dernière, un combat basé sur une technique de combat totalement absurde. Ici, un combat de gymnastique rythmique contre l'hilarante sœur de Kuno, Kodachi, avec une très forte personnalité égocentrique, un rire pompeux très mémorable et l'utilisation de coups fourrés tels que du poison contre les autres filles ou son frère, personnage sans doute inspiré par Ryoko dans Urusei Yatsura, mais tellement plus réussi ici, les arts martiaux aident. Le dernier épisode de l'intrigue aboutit avec un combat absolument hilarant. Les épisodes 15 à 17, Disparaît ou Épouse-moi, l'attaque de Shampoo vole contre Écœur, les adieux de Bambou introduisent Shampoo, un personnage qui rappelle Loom, notamment de par l'utilisation d'un accent, mais aussi de par sa personnalité. Shampoo est une Amazone chinoise venue au Japon pour tuer Ranma fille, pour venger l'honneur d'avoir été vaincue en combat. L'introduction du personnage dans l'anime est un peu étrange et abrupte, mais c'est en fait parce que, suite à l'échec commercial de la série, on a décidé de passer par-dessus une intrigue en 3 épisodes qu'on avait déjà produit afin de plus rapidement introduire Shampoo, un personnage apprécié par les lecteurs du manga, ce qui va entraîner un peu d'incohérence quand l'intrigue en question sera remise plus tard dans la série. Shampoo était brièvement apparu à la toute fin du dernier chapitre de l'intrigue en question. Après le 18e épisode, Ranma et la Chine, la série est interrompue et sera relancée par la suite avec divers changements, dont moins de budget en tant que Ranma 1/2 Netoen. Le Marathon des Demoiselles, le 19e épisode, introduit assez bien sans doute la volonté des producteurs de la série avec une intrigue en un épisode très amusante. La suite de la saison a tout de même une certaine évolution avec quelques intrigues en plusieurs épisodes, mais c'est déjà plus épisodique, moins fidèle au manga et avec beaucoup moins d'évolution de l'intrigue. L'épisode 20, Ranma et les chats, introduit Sasuke, un ninja servant Kuno et personnage assez amusant, surtout de par le talent de l'acteur qui fait sa voix en version originale. Mais ce personnage est original pour la série animée. L'épisode va aussi introduire un running gag de la série à propos de la phobie de Ranma envers les chats. Les épisodes 21 à 24, Mamie fait des siennes, la chaleur légendaire, la vol du cygne, la défaite réintroduit Shampoo qui veut former un couple avec Ranma garçon après qu'elle soit passée par Jusenkyo, accompagnée de sa grand-mère Cologne, très forte en arts martiaux, et Mousse, qui est en amour avec Shampoo, mais qui n'intéresse pas cette dernière. Reconnaissable à ses techniques d'arts martiaux utilisant des trucages de magie, avec des armes cachées dans ses manches et sa myopie extrême quand il ne porte pas ses lunettes. Dans cette intrigue particulière, Cologne apprend à Ranma une nouvelle technique, mais il aura à la vaincre pour pouvoir redevenir un garçon. Les épisodes 25 à 27, Rapt à la patinoire, Le baiser de l'humilité, Le brise-glace, forment l'intrigue laissée de côté de la première saison. Bien évidemment, légèrement modifiée, avec l'utilisation de musique de la seconde saison, sans la scène de l'apparition de Shampoo. Cette intrigue est tellement hilarante qu'on peut se demander ce qu'ont pensé les producteurs de la série. C'est clairement meilleur qu'une introduction de Shampoo, même si je n'ai rien contre Shampoo. On a ici un combat de patinage artistique avec Ranma et Ryoga qui ne savent pas patiner. Akane qui leur montre, et un duo redoutable d'un frère et une sœur, cette dernière étant tellement drôle en plus de toute la folie de par le sujet invraisemblable. Les épisodes 28 et 29, la séance d'entraînement, la technique du doigt explosif, la vengeance de Ryoga, présentent l'affrontement de Ranma et Ryoga, qui sont devenus tellement forts depuis leur dernière rencontre, ce qui est incohérent, puisqu'ils étaient ensemble dans l'épisode précédent, mais c'est dû au déplacement de l'intrigue précédente. Cologne va enseigner une nouvelle technique à Ryoga et l'entraîner, ce qui va amener un nouveau combat plus sérieux. Les épisodes 31 et 32, le grand défi, l'enlèvement d'Akane, voient le retour de Mousse après qu'il soit allé à son tour à Jusenkyo. L'épisode 33, le maître incontesté, voit l'arrivée d'Apozai, le maître de Genma et Sun, un vieux pervers qui pourchasse les sous-vêtements féminins. Les épisodes 34 à 36, panique dans le vestiaire des filles, la propriété aux mille dangers, « Adieu, jeune fille » prend une intrigue d'une source cachée sous le vestiaire des filles du manga pour l'étendre avec une chasse à la source qui implique la majorité des personnages de la série. L'épisode 40, « Bataille dans les bains publics », est basé sur une intrigue simpliste qui avait déjà utilisé un épisode d'Urusei Yatsura, mais cet épisode court avec pour en faire quelque chose d'hilarant. Les épisodes 41 et 42, encore une fiancée pour Ranma et amour ardent, Ryoga et Akane, correspond au début de la troisième saison, selon le découpage américain de la série, et introduisent un nouveau personnage hilarant de la série, Ukyo, spécialiste des okonomiyaki, un plat japonais qui ressemble aux crêpes ou à de la pizza, un ami d'enfance de Ranma, à qui Ganma a promis la main de son fils Ranma. Ou une amie, comme on va l'apprendre ici. À partir d'ici, la série est entièrement composée d'histoires en un épisode ou, occasionnellement, en deux ou trois épisodes, avec à peu près aucune évolution de la série. L'épisode 44, à la recherche d'un fantôme, voit Apozai se remémorer une technique de combat fort dangereuse, mais... L'épisode 45, à la recherche d'une sœur, introduit le personnage hilarant amoureuse d'Ukyo, cachant un petit quelque chose qui n'a malheureusement jamais été réutilisé, il me semble, en dehors d'un bref caméo dans le premier film de Ranma 1/2. Cet épisode ne passerait sans doute plus de nos jours avec la culture PC, mais c'est tellement drôle. L'épisode 47, Transformation Super Akane. Akane mange des nouilles qui la rendent super forte. La série en profite pour bien nous faire rire. Le légendaire épisode 49, Ranma est tombé sur la tête, où Ranma se met à avoir un comportement féminin, après être tombé sur la tête, est un incontournable épisode original à l'animé. L'épisode 54, tenu en échec, voit la très amusante alliance de Ryoga et Mousse contre Ranma. L'épisode 55, Le miroir grec, nous apprend que Apoza et Colonne se sont connus dans leur jeunesse. L'épisode 58, Toute folle de lui, introduisent Lin Lin et Lan Lan, les petites cousines de Shampoo, des personnages originaux à la série animée qui vont inspirer bien plus tard Rumiko Takahashi, d'autres personnages de cousines un peu plus âgées, donc dangereuses, qu'on ne verra jamais dans l'animé. L'épisode 59, L'esprit en éveil, utilise une technique spéciale qui sépare en deux personnes, Ranma garçon et fille, gentille et méchante. L'épisode aurait pu faire plus avec le concept, mais c'est très correct. Le 64e épisode, Le retour du directeur, introduit de manière hilarante le directeur de l'école revenant d'Hawaï et voulant imposer des règles très strictes sur les coupes de cheveux, ce qui entraîne un combat entre les élèves. L'épisode 65, entre l'invincible Kuno met en scène une alliance entre le directeur et Kuno. L'épisode 72, Ranma sort ses griffes, introduit un chat fantôme géant qui veut Shampoo comme fiancé. Personnage heureusement assez rare, le gag est correct une fois, pas vraiment plus. L'épisode 78, Kuno ébahi. La grande prophétie de l'amour introduit l'hilarante possibilité d'un couple entre Kuno et Nabiki. L'épisode 82, L'épée légendaire donne à Kuno une épée qui réalise des souhaits. Ranma va vouloir réaliser son souhait de récupérer son sexe normal, mais Kuno va en vouloir un peu trop. L'épisode 85, Le plus grand tricheur de tous les temps, introduit le personnage bien amusant du roi parieur, qu'on voit heureusement pas trop souvent, mais qui est excellent le temps d'un épisode. L'épisode 86, À la recherche de Marianne, remet en scène la sœur patineuse, cette fois-ci en relation avec Kuno. Les épisodes 88 et 89, Il s'en est fallu d'un cheveu, couper les cheveux en quatre, forme une intrigue en deux épisodes à propos du secret de la natte de Ranma qui se termine de manière hilarante. L'épisode 93, La cérémonie du thé, introduit un personnage de la série animée inintéressant, Sentaro et sa grand-mère, spécialiste de l'art martial de la cérémonie de thé. L'épisode 95, Les retrouvailles, nous présente une course de sources chaudes entre les personnages de la série afin de remporter un voyage. L'épisode 96, Le père de Kuno, nous apprend l'identité de ces derniers, une identité plutôt amusante. Le 98, La course au trésor, nous présente une équipe masculine d'art martial, de gymnastique rythmique, qui veut vaincre Ranma et Akane dans leur collection des trésors de la discipline afin de pouvoir imposer leur équipe. Le 102, Ranma et le pansement magique, transforme Ranma en Casanova à cause d'un pansement magique. Les épisodes 105 et 106, surprenant, dîner sur le ring, voient l'affrontement de Ranma et l'école d'art martial sans doute la plus improbable de toute la série, un combat pour manger de la nourriture sans se faire voir. Le 110, Ranma et le fiancé de Nabiki, est un épisode trop drôle comme le titre même peut le faire penser. L'épisode 114, un nouveau rival pour Ranma, introduit Gosun Kugi, j'espère que j'ai prononcé ce nom-là correctement, un personnage apparu beaucoup plus tôt dans la série manga, en fait à la place de l'introduction de Sasuke, le ninja au service de Kuno. Gosun Kugi est un asocial assez excentrique, amoureux d'Akane, comme pas mal tous, et qui essaie d'utiliser des poupées de papier comme poupées vaudou. Entre les épisodes 117 et 118, sort le premier film de Ranma 1/2, Big Trouble in Nincon-run, China. Le premier film est une histoire originale, ma foi, peu originale. Akane se fait enlever par le prince de Nincon-run, Ranma et la bande vont donc partir à sa rescousse, en Chine, où ils devront affronter les dangereux adversaires sur leur chemin. Contrairement au film d'Urusei Yatsura, il ne donne pas une impression d'être quelque chose de spécial par rapport à la série. La durée est plus longue que celle d'un épisode de la série télé, l'animation est meilleure, la musique est bien, mais ça revient à la même chose. Je ne m'en plains pas, vraiment, car le film est un excellent divertissement rempli de gags très drôles, mais ça aurait été bien que ce soit quelque chose de plus. Il n'est pas vraiment nécessaire de connaître la série pour apprécier ce film, les personnages occupant un rôle dans le film étant suffisamment bien présentés. Du moins cela est vrai si on oublie le début du film car il commence par une immense course-poursuite impliquant tous les personnages réguliers de la série et même divers personnages plus occasionnels. Ce film aurait aussi bénéficié d'une meilleure édition DVD américaine, la qualité d'enregistrement étant absolument nulle. L'épisode 119, le parc d'attractions à propos d'une course de go-kart, voit le retour du docteur Tofu qu'on n'avait plus vu depuis la saison 2. Les épisodes 121, 122, faute de nom, introduisent Pantitos Taro qui veut se venger d'Apozai. Il se transforme en créature monstrueuse depuis qu'il est tombé dans une source de Jusenkyo. La complainte du panda, l'épisode 125, fait bien rire avec un panda griffonné dans un festival qui devient vivante. Les épisodes 128 et 129, la sauce de Ranma fou semblant à propos d'une sauce secrète d'Ukyo autour de laquelle Ranma veut tenir caché un secret. Les épisodes 141-142, la technique qui dépend de l'humour, introduisent une nouvelle technique qu'a appris Ryoga, dont Ranma essaie de percer le secret, ce qui entraînera un combat avec quelques gags bien amusants vu la nature de l'attaque. L'épisode 146, Le berceau infernal, introduit un running gag assez sympathique. L'épisode 151, L'album manquant, voit un affrontement bien amusant entre Kuno et Kodachi sur un livre de photos réelles et truquées. Entre les épisodes 153 et 154, sort le second film de Ranma 1/2, Niao, My Concubine. Pour faire dans l'original, ce film raconte l'enlèvement de protagonistes féminins que Ranma et compagnie vont s'efforcer de secourir. Bon, c'est un peu plus que ça, mais pas vraiment. Encore une fois, une histoire originale, peut-être même encore moins intéressante que celle du premier film, qui est avant tout un prétexte. Ce film semble par contre un peu plus spécial que le premier. Pas vraiment comme les excellents Urusei Yatsura, mais un peu comme un spécial estival. Il est par contre bien moins drôle, l'intérêt étant sans doute visuel. Il y a cette fois-ci des efforts de redesign et l'animation meilleure. D'ailleurs, l'image de ce film a moins mal vieilli que celle du premier. Encore une fois, je ne crois pas qu'une connaissance de la série soit essentielle pour apprécier ce film. Les épisodes 154-155, le concours avec un affrontement de pom-pom girl, est trop drôle. L'épisode 156, élection de la Miss Océan, a le sujet trop facile d'un concours de Miss Plage, mais c'est bien exploité. La série télé se termine avec les épisodes 160 et 161, Ranma et sa mère, un jour peut-être, où l'on introduit la mère de Ranma, que l'on ne savait pas vivante, information cachée par Genma, qui a peur de mourir, car il lui a fait jurer de les assister dans leur suicide, lui et Ranma, si Genma ne réussit pas à faire de Ranma un grand homme. La série télé s'est terminée sans cérémonie quand elle a rattrapé le manga. Il y a eu par la suite trois petites séries d'épisodes pour la vidéo et un film entre ces séries, adapté d'une sélection de chapitres du manga, cette fois-ci de manière relativement fidèle et bénéficiant d'un bon niveau technique, plutôt comparable à Niao, My Concubine, le premier OAV, La Malédiction du Bijou des Contraires, est une autre intrigue de trucs de shampoo assez amusante. Le second OAV, Noël agité chez les Tendo, est un spécial Noël très dispensable. Akane contre Ranma, Je perpétuerai la cuisine de maman avec la mère de Ranma est sympathique. Tempête sur le lycée, Prof Inako se change en adulte, introduit un personnage de prof régulier dans la suite du manga. Les deux épisodes de La Voix de la Succession est une histoire originale en deux épisodes vraiment bien. Rumiko aurait apparemment participé en désignant deux personnages secondaires pour ces épisodes. La seconde série d'OAV est composée de deux épisodes de la même intrigue, Souvenirs d'enfance, une histoire plus longue du manga assez sympathique avec des moments amusants à propos d'une vallée cachée avec des créatures monstrueuses. Le troisième film, Team Ranma vs. The Legendary Phoenix, est un moyen métrage d'une demi-heure produit à l'époque des épisodes pour la vidéo, ce qui explique qu'il soit souvent considéré comme un OAV, entre autres sur l'édition DVD américaine. Il est cette fois-ci basé sur une histoire du manga, contrairement aux deux longs-métrages qui l'ont précédé, mais les concepteurs ne seront pas entièrement fidèles à cette histoire. Ils se serviront de sa base pour en faire quelque chose d'un peu plus gros. Ce film se démarque fort peu des épisodes pour la vidéo, ceux-ci s'illustrant déjà par leur très bonne qualité technique, ce qui ne l'empêche nullement d'être très amusant. La durée empêche d'introduire en détail les personnages, mais je crois qu'on peut tout de même les appréhender suffisamment sans avoir vu la série. Qui sait, ce film est peut-être le meilleur des trois, car malgré sa courte durée, il a une histoire autrement plus originale et un concentré de gags fort amusant. La troisième série d'épisodes pour la vidéo nous propose un épisode sympathique sur un tunnel qui bruserait les couples, un épisode hilarant sur un démon qui possède les personnages, et un épisode réussi sur une poupée qui échange sa place avec Akane. Et le frigo revient. Kitty Film a cessé de produire des dessins animés sur Ranma 1/2 suite à des problèmes financiers qui ont obligé la compagnie de pas mal cesser ses activités et revendre les droits de la majorité de son catalogue, se contentant depuis de distribuer les rares titres dont ils ont conservé les droits. L'adaptation animée ne s'est donc hélas jamais rendue jusqu'à la fin du manga, laissant de nombreux épisodes mémorables. Il y a eu toutefois, depuis, la production d'un épisode supplémentaire pour la vidéo dans le cadre du 30e anniversaire de la carrière de Rumiko Takahashi et le 50e anniversaire de la revue Shonen Sunday. Mais plutôt que de choisir l'un des épisodes marquants, il s'est contenté d'adapter une petite historiette de rêve. L'épisode est pas mal du tout, mais il y aurait un moyen de faire tellement mieux. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne normalement un 5 sur 5 à une chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 sur 5 à un divertissement honnête, un 2 sur 5 sur une œuvre moyenne, un 1 sur 5 sur une œuvre mauvaise et un 0 sur 5 sur une nullité absolue, telle que le Noël que doit passer Trump. Est-ce que c'est vraiment si nul? Je sais pas, mais Trump est nul. Je sais pas si son Noël est nul, mais lui, il l'est. L'intérêt de la série est très variable d'un épisode à l'autre. Mais en se basant seulement sur mes épisodes favoris, on aurait bien pu donner une note de 4 sur 5 à la série. Mais dans les faits, elle se mérite sans doute plus un 3 sur 5. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!